Et ce matin, nous continuons l'étude de l'Évangile de Luc, chapitre 10. Et ça va être la deuxième étude sur le royaume de Dieu. Et on a vu un petit peu la semaine passée qu'il y a une différence entre, des fois, ce qu'on appelle communément annoncer l'Évangile et annoncer le royaume de Dieu. Annoncer l'Évangile, c'est souvent centré sur le besoin de l'être humain. Annoncer le royaume de Dieu, c'est annoncer que Dieu s'en vient régner. Et pour qu'il règne dans ma vie, je me convertis. Mais le but de ma conversion, c'est qu'il règne dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on voit dans les Évangiles et dans les Actes des Apôtres, ils prêchent, ils annoncent le royaume de Dieu. Dieu s'en vient régner. Tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à ce règne-là ne peuvent pas faire partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas premièrement une place dans les airs, quelque part, c'est un nuage. Le royaume de Dieu, c'est la personne de Dieu qui règne sur des êtres, qui dirige des êtres, qui conduit des êtres, ses fidèles, ses personnes à lui, son peuple à lui. Donc, il faut se souvenir de ça quand on annonce l'Évangile, qu'on essaye d'emmener des gens à se soumettre au royaume de Dieu. On ne va pas juste les emmener à avoir un ticket pour entrer au ciel quand ils veulent. C'est un peu différent, ça. Un peu différent. L'évangélisation, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour une fin qui est le royaume de Dieu. Et on a vu ensemble que Jean-Baptiste avait été le précurseur. Dieu l'avait envoyé, Jean-Baptiste, afin de préparer le chemin du Seigneur. Donc, il dit que le Seigneur s'en vient, le royaume de Dieu s'en vient. Jean-Baptiste préparait le peuple à recevoir ce Seigneur-là qui arrivait. Et ensuite, on a vu qu'il a envoyé les 12 faire la même chose, il a envoyé les 70 faire la même chose, et finalement, il envoie l'Église faire la même chose. L'Église va par le monde, prépare le chemin du Seigneur. Parce que, vous savez, moi, j'ai beau visiter toute la ville de Mont-Tremblant, personne ne va se convertir. C'est le Seigneur qui va visiter la ville, et lui, il va convertir les gens. Moi, je prépare le chemin. Le Seigneur va venir, et lui va convertir les gens. C'est pour ça qu'on voit ça dans l'épître de Pierre, aussi dans différentes places, que notre vie soit une vie qui prépare les gens et qui vont accepter le Seigneur le jour où il les visitera. Dieu continue à visiter le monde aujourd'hui. Si Jésus ne serait pas à l'œuvre dans le monde, en train de vouloir sauver le monde, toutes nos belles affaires d'évangélisation, ça servirait absolument à un gros zéro. Un gros zéro. On serait juste comme les autres religions qui sont des militants. Tu sais, on n'est pas les seuls qui sont des militants. Hein. Il y a toutes sortes de religions qui militent pour embarquer qui font du prosélytisme, comme on dit des fois, qui veulent embarquer du monde dans leur religion. Il y a beaucoup de religions qui font ça. Mais nous, la seule différence, c'est que nous, on n'embarque pas personne dans notre religion. C'est le Seigneur qui les embarque. C'est le Seigneur qui va aller les chercher, qui va les additionner à son peuple. Parce que s'ils deviennent baptistes, ils sont devenus rien. S'ils deviennent chrétiens, là, ils sont tous devenus. Là, ils font partie du peuple de Dieu. Baptiste n'égale pas au peuple de Dieu. Chrétien, oui. J'ai rien contre les baptistes, non. Je suis un baptiste, pas tout. Hein? Je n'ai rien contre ça. Ce matin, on va voir, puis probablement cet été, j'ai une petite idée dans ma tête pendant, ça va être au réunion de prière, mais on va probablement faire pendant l'été sur l'élection, la prédestination, ces choses-là, on va regarder ça un petit peu au réunion de prière. Mais ce matin, on va en parler un petit peu, parce que dans notre texte qu'on va étudier, on en parle un petit peu. On parle, vous savez ce texte, ce terme dans les Écritures, les élus. Hein, vous avez vu ça dans votre Bible? Qui a déjà vu ça dans sa Bible? Oui, on a tous vu ça. Beaucoup d'appelés, un élu. On entendait ça même quand on n'était pas chrétien. Beaucoup d'appelés. Il y a le mot prédestiné, destin, élection. On a tout ça dans la Bible. Hein? C'est tous des termes, des fois, qu'on ne s'arrête pas trop. Tous ces termes-là parlent de notre salut, mais du point de vue de Dieu. OK? Du point de vue de Dieu. Quand on parle repentance, et je crois, c'est le salut du point de vue de l'être humain. L'homme, l'être humain se repent et croit. Mais ce qui a précédé cela, Dieu a fait une œuvre éternelle avant ça. pour que moi je puisse dire, je me repens, je crois. Il y a une œuvre de fait. Et quand on parle d'élection, qu'on parle de prédestination, qu'on parle de destin, d'élu, de livre de vie, ça, on parle toujours de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et je vous garantis, si on écrira une page, un livre sur ce qu'il a fait et un livre sur ce que j'ai fait, lequel sera le plus gros? C'est le sien, bien entendu. Le livre de Dieu. Moi, il y aurait une page. Ça serait un gros mot dans le milieu de la page. Oui. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai dit oui, Seigneur. Et le Seigneur a fait pour moi tout ce qu'il avait écrit dans son livre de milliers de pages. On va lire quelques versets qui parlent de ça. Et je vais donner les références pour ceux qui écoutent le CD peuvent savoir quel verset qu'on lit. Mais ceux qui veulent lire, ceux qui sont capables, parce que c'est peut-être pas été assez gros pour tout le monde, mais ceux qui sont capables, vous pouvez lire selon votre bonne volonté. Matthieu 22, verset 14. Dans Marc 13, verset 20. Romains 11, verset 7. Éphésiens 1, 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et bien prochains devant lui. 1 Thessaloniques 1, 4. Nous savons, frère, bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus. 2 Timothée 2, 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause de Dieu, afin que aussi le tien de sa vie qui est en Tite 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. 1 Pierre 1, 2. Donc, c'était juste pour vous montrer tous ces passages, je ne vous ai pas tout mis dessus de la Bible, tous ces passages qui parlent des élus de la prédestination, de la préscience de Dieu et des gens que Dieu avait choisis avant la fondation du monde. Tout cela est là. Ça fait toute partie du plan de Dieu. Et souvent, on oublie ça. On a plus tendance à mettre l'importance sur ce que l'homme doit faire. Quand je crois que la Bible nous parle plus, personnellement, si je compterais tous les passages, plus que ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire pour le salut de l'humanité. Donc, tous ces élus que Dieu a écrits dans un livre, comme on appelle ça le livre de la vie, et tous ces élus, Jésus est venu sur la terre, il annonce au royaume de Dieu pour que les élus se repentent et se convertissent. Une fois, j'évangélisais, il y a une madame qui m'appelle, elle lisait la Bible depuis quelque temps, elle dit, François, bon, j'ai vu dans la Bible qu'il y avait des élus. Puis elle dit, le salut, c'est pour les élus. Elle dit, qu'est-ce qui me dit que je suis un élu? C'est la seule personne dans 30 ans de ministère qui m'a posé cette question-là. Absolument, personne ne pose cette question-là. Parmi les gens qui ne sont pas encore sauvés, c'est très rare qu'on va entendre cette question-là. Très, très rare. En tout cas, pour moi, c'était une fois en 30 ans. J'ai dit, je ne sais pas si tu es un élu. Je ne sais pas. Puis c'est vrai que si tu n'es pas un élu, tu ne te convertiras pas. C'est vrai. Ce que je te dis, tu l'as bien lu, c'est bien marqué là. Mais il dit, tu peux savoir, toi, si tu es un élu. Hein? Je dis, ben oui. Repends-toi et convertis-toi. Si tu fais ça, moi, je vais te répondre après. Tu es un élu. Mais je ne peux pas te le dire avant que tu l'aies fait. Mais si tu le fais, je vais te dire tu l'as fait parce que tu étais un élu. Si tu ne le fais pas, je vais pouvoir te dire c'est parce que tu n'es pas un élu. je ne te donnerai pas la gloire ni de ta conversion, ni de ta perdition. C'est à Dieu que toute la gloire revient. Toute la gloire revient. Les élus. Et l'apôtre Paul, on a vu dans Tite, dans Timothée, il dit, je fais tout ce travail afin que les élus de Dieu viennent à la compréhension. Lui, tout, il sait qu'il y a un groupe de personnes. Dans l'Ancien Testament, on les appelait le reste. Des fois, il va l'appeler petit troupeau. Il parle d'Israël, mais il dit, en Israël, j'ai un petit troupeau. Il va dire à Élie, le prophète, je me suis réservé 7000 hommes dans le peuple de Dieu. Un petit groupe, encore une fois, des élus. On ne sait pas pourquoi. J'ai un paquet de questions moi, à poser à Dieu, mais j'arrive au ciel. Peut-être que je ne les posais pas, mais en tout cas, présentement, j'ai un paquet de questions à poser à Dieu. Pourquoi j'étais un élu? Aucune idée. Pourquoi ils ne nous ont pas tous élus, tout le monde de la terre? Aucune idée. Mais la Bible dit qu'il y a des élus. C'est ce que je te dis, c'est marqué là. Et ce matin, en lisant le texte qu'on va étudier dans Luc chapitre 10, ça va revenir, ça, cette histoire d'élus-là. Le royaume de Dieu, on a vu, afin de préparer le royaume de Dieu, de préparer le chemin du Seigneur, parce qu'on a vu que Jésus a dit, « Je vous envoie, 70, dans toutes les villes que moi je dois aller. » Il n'a pas dit « aller dans toutes les villes que vous voulez aller. » Il a dit « aller dans les villes où moi je dois passer. » Et on a vu ensemble que Jésus était dans le nord d'Israël, il descendait vers Jérusalem, il s'en va mourir à Jérusalem, et Dieu a mis son regard vers Jérusalem, puis il n'a pas laissé personne le détourner de cela. Il avait un but bien précis, se rendre au calvaire et mourir pour nous autres. Mais il dit, en m'en allant, je dois passer par certaines villes, et envoie les 70, préparer ces villes-là à le recevoir lui quand il arriverait. Recevoir lui. Donc, il guérissait des malades, il chassait des démons, et les gens venaient les écouter, les gens venaient voir, puis là, il leur disait quoi? Le royaume de Dieu s'en vient. Il s'en vient, là. Il s'en vient, là. Il n'est pas loin, là. Il s'en vient. Il va être dans 2-3 jours, là. C'est à Jésus qui s'en est. Et quand Jésus trouvait ces villes-là qui étaient préparées, qui étaient là, prêtes à écouter, parce qu'ici, il n'était pas prêt à écouter, il disait quoi? Excusez vos sandales, puis allez-vous ailleurs. Jésus n'était pas pour aller, là. Donc, l'évangélisation, c'est Jésus nous envoie au-devant de lui pour qu'on prépare le cœur des gens. Mais il nous envoie au-devant, mais lui était déjà au-devant. Il nous suit, mais il était déjà au-devant parce qu'il avait écrit l'histoire de l'humanité avant qu'elle existe. Donc, il nous envoie 2 par 2, 70 pour faire cela. Et on a vu ensemble ce qui passait, il leur dit d'être prudents. Parce qu'il dit, je vous envoie comme des brebis à travers les loups. Donc, il dit que le royaume de Dieu va s'établir de façon difficile. Ça ne sera pas facile de mettre en place le royaume de Dieu. Parce que présentement, nous vivons dans un royaume de ténèbres, dans un royaume de perdition, de péché. Donc, il dit, moi, je m'en viens établir le royaume de Dieu. Et un jour, à la fin des temps, quand Jésus va revenir, il va enlever tout le mal, toute trace de la lumière, du royaume des ténèbres. Il va l'enlever, puis il va établir le royaume de Dieu d'une façon totale et permanente. Et éternel. Mais il dit, pendant que ça va se faire, ça, il va y avoir beaucoup de difficultés. Vous allez avoir beaucoup de persécutions, vous allez avoir des difficultés. Ailleurs, il va dire, ça va être des persécutions. Ici, il dit, vous êtes des brebis comme à travers les loups. Ça veut dire la même chose, que ça ne sera pas toujours facile. Il va y avoir de la contestation. Il va y avoir de l'opposition. Donc, il dit, quand vous partez annoncer l'Évangile, quand vous partez annoncer la venue du royaume ou amener les gens au royaume de Dieu, souvenez-vous avant de partir que ce ne sera pas toujours facile. Ce ne sera pas toujours facile. Et la plupart du temps, c'est pas parce qu'on n'est pas des bons évangélistes. Hein. Non, non. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a de l'opposition spirituelle au royaume de Dieu. C'est pas parce qu'on n'est pas bons évangélistes. Hein. Non. On pourra donner nos témoignages que les gens que nous avons conduits au Seigneur se sont bien mal pris. Mais pourtant, on est là pareil. On est là pareil. Ils n'ont pas toujours dit les bonnes choses dans le bon endroit, au bon moment, mais on est là pareil. Parce que Dieu a ses élus. Puis il va les sauver. Il va les sauver. Il ne peut pas passer au côté. S'il y en a élu 1 million, ils vont être. Mais quand on arrive au ciel, on va être combien, vous pensez? 1 million. Il n'y en manquera pas un. Ah ben là, lui, pauvre lui. C'est la faute de François. Je l'avais élu, mais François s'est mal pris. Ben non, ça, on n'entendra pas ça dans le ciel. Voyons donc, on n'entendra pas ça dans le ciel. Dieu a même dit, si François ne fait pas correct, on va mettre une roche en place. Mettre une roche en place. Mais je suis sûr que Dieu est assez fort pour faire ce qu'il veut faire avec François. Je vous garantis. Il est assez fort pour faire ce qu'il veut faire avec François. François n'est pas plus fort que Dieu, vous savez. Ensuite, ça, il a dit qu'au 70, d'aller voir les villes et d'annoncer le royaume de Dieu. Ce matin, on est au verset 17. Verset 17. Les 70 partent. Ils n'ont pas parti longtemps. Parce que, on a vu, Jésus est en route vers Jérusalem et vous traversez tout le pays d'Israël à pied en combien de jours? Ça prend combien de jours à pied? Traverser le pays d'Israël, vous pensez? 4-5 jours, une semaine au maximum, si tu arrêtes pour prendre un break quelque part, José. Ça va prendre une semaine à peu près. Parce qu'à peu près 150 000, 200 km, mettons 200 km, 220, si tu marches 25-30 km par jour, 7 jours, 210 km, tu passes au travers. Tu passes au travers. Donc, c'est pas le Canada, ça, là. Hein? C'est pas le Canada, là. C'est entre Montréal et Québec. C'est entre Montréal et Québec, à peu près. Et tu marches ça, et Jésus, fait que Jésus est parti d'en haut, il est descendu, on ne sait pas combien de temps il a parlé, il a jasé, mais au verset 17, hein, les 70 reviennent avec joie. Donc, avant que Jésus soit rendu à Jérusalem, les 70 sont déjà revenus. Ils ne sont pas partis pendant des mois, là. Pas partis pendant des années, les 70. Ils sont partis juste pendant quelques jours. On a vu la semaine passée. C'est pour ça qu'il leur dit, ne prenez pas deux tuniques, ne prenez pas des sandales, ne prenez pas ceci, ne prenez pas ça. Il sait que ça va durer juste quelques jours, cette affaire-là. Il a pas envoyé évangéliser le monde, lui, là. Hein? Il a juste envoyé préparer des villes en descendant. Donc, puis il leur dit que dans chaque ville, il y a des gens qui vont vous recevoir, ils vont vous nourrir, ils vont prendre soin de vous. Ils vont prendre soin de vous. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils sont tous craqués, la gang. Là. Ils sont tous craqués, les 70. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Hein? J'ai rajouté un mot là, « bien ». À qui le Fils veut le révéler. Heureux, et en se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu. » Donc, si on essaie de se mettre un petit peu dans la situation, voici, nos 70 sont partis, ils ont été peut-être, mettons, une semaine, deux semaines à peu près, trois semaines si on veut. Et là, ils font un travail, ils préparent la venue du Seigneur dans ces villes-là, et Dieu leur donne le pouvoir de chasser les démons, de faire des miracles, de guérir les malades. Il leur donne des pouvoirs phénoménaux. Il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Certains chrétiens disent que c'était littéral, d'autres disent que c'est spirituel. Prenez-les comme vous voulez, c'est tous les deux des miracles. Tous les deux miracles. Si c'est un serpent spirituel, c'est un miracle. Si c'est un serpent physique, c'est un miracle aussi. Que tu sois encore vivant après, c'est ça que je veux dire. Si tu vas et qu'un serpent spirituel saute sur toi et que c'est spirituel, tu n'as aucune force de résister. Fait que ça prend un miracle, il faut que Dieu intervienne pour te sortir de là. Mais ils reviennent tous craqués, la gang. Je les comprends. Je vais être là, moi, j'aurais été craqué. J'aurais été énervé. Hey, d'avoir fait des affaires de même, ça aurait été spécial. parce que Jésus m'avait donné un grand pouvoir. Et cette joie qui est là, qui est légitime, qui est correcte, Jésus ne fait pas reproche de dire, vous n'avez pas le droit d'être dans la joie. Mais il leur dit, cette joie-là que vous avez, elle ne sera pas permanente. Elle ne sera pas permanente. Ça ne sera pas de même tous les jours. Ça ne sera pas de même toute votre vie. Parce que juste un peu plus loin, on va voir qu'ils n'ont plus le pouvoir de chasser les démons. Mais Jésus va leur faire des proches, il va leur dire, race d'incrédule que vous êtes. Ça ne dure pas tout le temps, là. C'est momentané, ça, cette affaire-là. Il dit, si vous vous accrochez à ça, dans quelques semaines, vous allez faire une déprime spirituelle. J'écoute les internationaux, présentement, de Roland-Garros en France. Les athlètes, quand ils jouent dans les gros tournois comme cela, et qui surtout quand ils se présentent en quart de finale, en demi-finale, en finale, c'est une montée d'adrénaline épouvantable dans leur vie. Mais quand ils perdent, ce que j'ai lu, la plupart de ces athlètes-là font des grosses dépressions dans les semaines qui suivent. Parce qu'ils ont une grosse montée d'adrénaline, avec une grosse joie là, qui est fait monter, là. Là, ils se découragent, ils se dépriment. Et c'est ça qu'ils font, ils s'entourent de psychologues, ils s'entourent de toutes sortes de monde avec eux autres pour les encourager, pour les stimuler, pour qu'ils, pas qu'ils fassent la déprime. Et spirituellement, si je compte sur ces jours d'explosion spirituelle, de d'émerveillement spirituel, de miracle pour que ma vie chrétienne soit enthousiasmée, j'ai bien l'impression que les chrétiens vont faire ça comme ça. Une journée, la vie est belle, la vie chrétienne est donc merveilleuse. Dieu est donc bon aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je viens de faire quelque chose de spécial où j'ai gagné un mini-loto, je ne sais pas quoi. Le lendemain, je suis malade. Oh mon ami, la vie chrétienne, c'est pas facile. Oh, c'est dur, la vie chrétienne. Pas facile, la vie chrétienne, c'est vrai, les frères. Vous avez déjà entendu ça? Je vous vois rire. Là. Mais en tout cas, je vous ai déjà entendu certains de vous autres le dire. Je ne vous regarderai pas. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit aussi. Vous ne direz pas ce que j'ai dit au Seigneur le matin. C'est bon, c'est. Juste le fait qu'on est ici, c'est bon. Il est toujours bon. Il n'est pas bon juste quand ça va bien. Il est toujours bon. En se tapant ou en étant couché, il est toujours bon. Pauvre ou riche, il est toujours bon. Il est toujours bon. Il n'est pas bon comme ça, lui. C'est nous autres qui est comme ça. Lui, il est toujours bon comme ça. Tout le temps, pour nous autres. Mais qui dit, il veut les encourager, il veut les instruire, parce que lui, il s'en va bientôt, là. Fait qu'il leur dit, c'est pas cette joie-là que j'aimerais que vous cultiviez. C'est pas ça que je voudrais que vous vous attachiez. Oui, il va y avoir des beaux jours demain, mais vous allez être comme l'apôtre Paul, qu'on connaît bien, vous allez passer par des moments où ce que vous allez être des moments de grande joie, des îles en entier vont se convertir, des fois vont avoir des grands réveils. Et d'autres fois, tu vas passer 2 ans en prison attaché après des chaînes, mon chat. Tu vas-tu planter, là? Bon, tu vas continuer à chanter. Mais je vais te donner une vérité qui va t'aider à chanter, peu importe où tu es. Peu importe où tu es. Que tu sois en prison, que tu sois sur le bateau qui est en train de couler, que tu sois dans des palais royaux, je vais te donner une vérité qui va t'encourager tout le temps. Et c'est ce qui leur parle ici. Verset 20 jusqu'à 24. Cependant, le mot cependant, là, c'est un mot qui dit toutefois, ou plutôt, c'est pas tout à fait, c'est beau ça là, mais il y a d'autres choses de mieux que ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Cependant, nous, on dit des fois, mais, hein, mais. Non, non, non. Mais, c'est plutôt quand c'est négatif. Non, non, non, non. Mais, là, on dit que le pot arrive. On a eu les fleurs avant, puis le pot arrive. Là, Jésus, il dit, c'est beau que vous avez vécu ça, c'est bien que vous avez vécu ça, cependant, ne vous réjouissez pas de ces choses-là. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Là, il nous ramène à la base de notre salut personnel. Dis, réjouis-toi plutôt que ton nom est écrit dans les cieux. Vous savez, Tout à l'heure, pendant que je lisais, il m'est venu une pensée que je n'avais pas faite pendant que je faisais mon étude. Jésus, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Là, je l'ai mis pour moi, à cause de moi. Ah, ça m'a fait du bien. Jésus a tressailli de joie parce que Dieu a écrit mon nom dans le livre de vie et qu'il m'a révélé le Fils. Il a tressailli de joie. Jésus se réjouit à cause des élus. Là, on n'est peut-être pas un sujet de joie pour tout le monde un matin, mais on est un sujet de joie pour Jésus. Jésus. Il dit quelque chose des fois qu'on a de la misère à comprendre. Puis des fois, j'ai vu des chrétiens, puis des fois, des gens qui ne sont pas chrétiens, avoir beaucoup d'agressivité dans ces versets-là. Parce qu'ils voient une injustice. Ils voient de l'injustice. Ils voient comme un parti pris. Pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas pour tout le monde? Hein? Jésus t'essaye de joie. Là, il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Wow, ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Dieu a caché quelque chose à des gens. Il dit, tu l'as caché aux sages et aux intelligents. Mais tu l'as révélé aux enfants. Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. Là, il y a des gens, moi, mais Dieu n'a pas un peu un parti pris ici? Est-ce que c'est une malédiction d'être sage et intelligent? Vous savez très bien qu'il y a des sages et des intelligents qui sont sauvés. Humainement parlant, je parle. Hein? Ah oui, n'est-ce pas? Ah oui. J'en connais. Paul était un érudit. Paul était un génie. Humainement parlant, là, les gens qui ne sont même pas chrétiens disent que Paul, par ses écrits, ce qu'ils peuvent lire des écrits de Paul, disent que Paul était un génie. Donc, c'était un intelligent, pourtant il était sauvé. Il ne faut pas penser là, que c'est une malédiction d'avoir un IQ de 150. Là. Et c'est une bénédiction d'être heureux, les creux. C'est pas ça, là. Pas ça. Hein? Il ne faut pas penser comme ça. On se l'est fait dire longtemps, on était quasiment content d'être creux, des fois. Mais c'est pas ça qu'il dit ici. Parce qu'il y a des sages et des intelligents. Mais il l'a caché à ceux qui se confient dans leur sagesse et dans leur intelligence pour trouver le royaume de Dieu. Voyez-vous la différence? Bien différent. Il le cache à des gens. On va voir tout à l'heure un exemple de ça. Il dit, Jésus, lui, en tout cas, ça ne l'amène pas de l'agression dans sa vie personnelle, en tant qu'être humain, en tant que Jésus, en tant qu'homme, ça ne fait pas grincer des dents que Dieu ait fait ça. Qu'est-ce que ça fait dans sa vie à Jésus? Ça le remplit de joie. Puis il loue Dieu que Dieu l'a voulu comme ça. Donc lui, il ne grince pas des dents. Si nous autres, on grince des dents, puis on a de la misère avec ça, c'est parce qu'on ne comprend pas bien. Parce que Jésus, lui, comprend bien la vérité. Puis lui, il saute de joie, il est heureux dans sa vie. Et, Seigneur, je te loue pour ça, que tu l'aies fait de même. C'est ça que tu as voulu, et c'était parfait comme ça. Moi, je trouve ça, si lui l'a fait, ça devrait faire notre joie aussi. Ça devrait faire notre joie aussi. Puis là, il dit au verset 2, « Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc ici, il y a une complicité entre Jésus et entre le Père. Personne ne peut connaître Dieu, le Père, sans que le Fils lui révèle. Puis il n'y a personne qui connaît le Fils si le Père ne lui révèle pas. Donc il y a une complicité entre le Père et le Fils pour se révéler mutuellement à l'égard des gens. Donc, le sage et l'intelligent ne peut pas, par sa capacité humaine, par sa capacité intellectuelle, par sa sagesse qu'il peut acquérir à travers sa vie, il ne peut pas trouver Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des hommes avec une capacité intellectuelle phénoménale, avec des diplômes écrits par toute la grande du mur qu'ils ont chez eux, et ils vont dire qu'on est né des étoiles. On est né des étoiles. Mais on ne peut pas les en vouloir. C'est, dans un certain sens, c'est qu'ils n'ont pas eu la révélation. Mais ils n'ont pas eu la révélation. Ça, c'est le côté de la médaille. Parce qu'ils se confient dans leur intelligence et sagesse pour trouver la vérité au sujet de Dieu. Au lieu de s'humilier et de faire comme un enfant, c'est pour qu'il dit, tu l'as révélé aux enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça, papa? C'est quoi ça, papa? C'est quoi ça? On a eu quatre en fait chez nous. C'est quoi, papy? C'est quoi, papy? C'est quoi, papy? C'est toujours, c'est quoi, papy? Ils sont toujours en train de se questionner. Parce qu'ils ne savent pas, eux autres. Ils se confient dans ce que toi, tu vas leur dire pour comprendre la vie. Donc, il dit, faut être comme ça avec Dieu. Dieu, je ne sais pas, montre-moi-le, s'il vous plaît. Je ne connais pas le moyen d'être sauvé, montre-moi. Il faut être comme un enfant dans ce sens-là. Faut pas penser là, que les enfants de 3 ans sont tous sauvés à cause que Jésus a dit ça. J'ai entendu ça, même. Qu'à cause que les petits-enfants s'en vont tous au ciel, c'est tous des petits-enfants parce que Jésus a dit, il faut être comme les petits-enfants. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Parce que j'aurais mieux que mes enfants meurent tous avant 5 ans. C'était ça. J'aurais été certain qu'il était sauvé. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il faut avoir l'attitude d'un enfant qui cherche, qui est humble parce que l'enfant ne connaît pas les choses, ne sait pas les choses. Puis il va leur poser la question à n'importe quel adulte qui était là, au côté de lui, qui est assez arrêté pour dire, je t'écoute là, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Puis l'enfant va poser la question. Il n'est pas orgueilleux dans ce sens-là. Tu sais, moi, je sais, je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu, puis je n'ai pas besoin de l'aide de personne. Je sais, moi, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Donc, Jésus ici dit, si vous voulez vous réjouir, réjouissez-vous de votre élection. Réjouissez-vous du fait que vous avez votre nom écrit dans le ciel. Réjouissez-vous du fait que Dieu vous a révélé des grandes vérités, que le Fils vous a révélé des grandes choses. Réjouissez-vous de ça. Puis il dit, réjouissez-vous que vous voyez, vous êtes des spectateurs, dans la première ligne, vous voyez le royaume de Dieu s'établir et tous les prophètes avant vous, tous les grands hommes de Dieu avant vous, toutes les grandes femmes de Dieu avant vous, tous ces gens-là qui ont passé avant vous n'ont pas vu ce que vous voyez maintenant. Le royaume de Dieu est arrivé. Ils ont entendu ça pendant, on le chantait, on est chrétien, depuis plus de 4000 ans. Hein, il y avait peut-être des millénaires, les gens attendaient le royaume de Dieu. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont morts sans le voir. Là, il dit, réjouissez-vous que vous autres, maintenant, vous voyez ces choses-là s'accomplir. Nous autres, on est en première ligne aussi, là. On voit Dieu établir le royaume de Dieu. On en fait partie de ce royaume-là. On voit Dieu qui est en train d'établir son royaume. Ça, mes frères, c'est une joie constante. Que je sois dans la richesse ou dans la pauvreté, je peux me réjouir de ça. Que je sois en prison ou en liberté, je peux me réjouir de ça. Que je sois dans la maladie ou que je sois dans la santé, je peux me réjouir de ça. Ça, c'est immuable, c'est intouchable, cette vérité-là. Le monde ne peut pas toucher cette vérité-là. Personne ne peut toucher cette vérité-là. Donc, si je m'arrête et je médite là-dessus, je peux faire comme Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Attention, ce n'est pas vous autres. Jésus lui-même s'était dit, « Je tressaillis de joie par le Saint-Esprit. » Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est cette joie-là qui parle. Ce n'est pas d'avoir gagné 1 million. Non. Ce n'est pas ça partout qui parle. C'est cette joie-là ici qui parle. Nous autres, on a tendance à penser que le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est la joie, comme on pense dans notre société aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça que ça parle. Ce qu'il parle ici, il parle de cette joie spirituelle-là qui vient de la révélation. Il dit, Jésus, je ne sais pas que ça de tempérament Jésus avait. Était-tu sanguin, était-tu colérique? Bon, il était peut-être tous les tempéraments, je ne sais pas. Il a-tu commencé à dire, yes! As-tu fait comme François, plus comme. Oui, je suis plus intro, je suis plus intérieur. Mais Jésus, le mot tressaillit, là, c'est très fort. Hein? C'est pas juste. C'est le fun. Non, c'est une joie intense à l'intérieur. Par la puissance du Saint-Esprit, dans la vie de Jésus, parce qu'il était un homme ici, là. Lui qui est en train de nous dire, rappelez-vous, Jésus est un homme aussi, là. Donc, ça y prenait le Saint-Esprit pour se réjouir de ça. Comme nous, par la puissance du Saint-Esprit, ces vérités-là vont nous donner la joie intérieure. Mais quand notre joie dépend de l'extérieur, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un babou pas du temps, là. Ça ne va jamais comme on veut vraiment. T'sais. On fait la baboune, on est triste, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la joie est extérieure. Mais si c'est une joie intérieure qui vient de l'Esprit, elle peut être constante. Et Jésus dit, je veux que vous travailliez là-dessus, pas sur l'autre joie. Elle n'est pas mauvaise, l'autre joie. Si Dieu nous donne de gagner 1 million, c'est correct. Mais si je ne veux pas que tu t'arrêtes là-dessus. Je veux que tu te réjouisses plutôt de d'autres choses qui vont être plus stables, plus constants, plus spirituels et qui amènent plus la gloire à Dieu dans ce sens-là. Donc, il y a un processus de cacher et de révéler. Tout ce qui est caché appartient à l'Éternel, la Bible dit. Tout ce qui est révélé appartient à l'homme. Bon, nous disons, Dieu révèle des choses, ça nous appartient. Un coup, c'est révélé, ça nous appartient. Ce qui est à cacher, nous autres, on disait souvent, quand on était catholique, qu'il y avait des mystères. Le mot mystère, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Le mot de cacher, c'est le mot mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Mais un coup qui est révélé, on le comprend. Le mystère, c'est quelque chose de caché, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose de caché. Maintenant, ça avait été caché à toutes les autres avant, maintenant c'est révélé. Maintenant, là, on le comprend. Dans l'Ancien Testament, je vous garantis, vous ne trouverez pas un juif qui croit à la Trinité. Vous ne trouverez pas un juif dans l'Ancien Testament qui croit à la Trinité. Il ne croit pas ça. Dieu est un. C'est pour ça qu'ils ont eu de la misère quand Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Dieu et moi, on est un. On a toujours été ensemble. Un. Non. Tu ne vas pas comprendre ça. Tu ne vas pas accepter ça. C'est pour ça qu'il a été difficile pour les Juifs d'accepter Jésus comme étant le Fils de Dieu, étant égal à Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Deux personnes. Et pour un Juif, ça, c'est bien Dieu. Bien Dieu. Parce que Dieu. Vous ne verrez pas dans le Testament que Dieu a un Fils comme tel. C'est Israël, des fois, qui tapait son Fils. Mais il n'y a pas un Fils comme tel. Maintenant, on change encore quelques minutes. On va faire quelque chose que peut-être vous n'avez pas fait avec certains passages de la Bible. Dans le verset 25 jusqu'à 42, vous avez la parabole de quoi? Du bon samaritain. Et vous avez la parabole. Juste après, vous avez une autre histoire. L'histoire de Marie qui est au pied de Jésus. Et souvent, on coupe ces deux textes-là du texte qui vient avant. Et je crois qu'on fait l'erreur là, quand on fait ça. Ici, Jésus, à ma compréhension, donne deux exemples de ce qu'il vient de dire. Les sages et les intelligents ne comprennent pas. Et les enfants comprennent. Les sages et les intelligents, c'est le docteur de la loi. L'enfant qui comprend, c'est Marie qui est à genoux, assis au pied de Marie, de Jésus, qui dit, dis-moi tout, Seigneur. C'est deux histoires qui sont contées, pas pour qu'on s'arrête que Marie est meilleure que Marthe, ou qu'il faut être comme le bon samaritain. Moi, j'ai entendu ça des centaines de fois, des enseignements sur le bon samaritain. Il faut être comme le bon samaritain. Il faut être comme le bon. C'est pas ça que le texte nous dit. C'est pas ça que le texte nous dit. Le texte ne parle pas du bon samaritain. Le texte parle du docteur de la loi qui ne comprend pas la vérité parce qu'il s'approche de Dieu avec sa sagesse et son intelligence pour se justifier. C'est lui, c'est l'histoire du docteur de la loi, ce n'est pas l'histoire du bon samaritain. C'est nous qui avons fait de cette histoire l'histoire du bon samaritain. Parce qu'en tant qu'être humain, on veut trouver des belles exemples de grand altruisme dans nos vies. Je ne suppose pas que le texte parle. Ici, le texte est la même vérité que le jeune homme riche. C'est la même vérité que le jeune homme riche, qui s'approche de Jésus en demandant « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui dit des choses. Et le jeune homme riche compte sur lui pour avoir la vie éternelle. Il veut que Jésus lui dise des choses à lui quoi faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus dit, non, suis-moi et tu vas avoir la vie éternelle. Moi, je vais l'avoir pour toi la vie éternelle. Il dit, non, il s'en retourne avec son petit bagage. Ici, vous avez la même vérité avec le docteur de la loi. Il s'approche de Dieu au verset 27. C'est pas tout à fait, mais ça, il manque un verset moi-même. Oui, 25 est là, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, écoutez bien, pour l'éprouver. Son motif n'est pas très bien. En partant, il est déjà perdant. Parce qu'il veut tester le Seigneur, il veut éprouver le Seigneur. Le mot dans le grec, c'est tenter le Seigneur. Il veut tenter. Il veut pogner Jésus au piège et lui faire tomber dans un piège. Ou bien il veut l'éprouver, voir si Jésus est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui connaît bien la théologie juive. Que dois-je faire pour... Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vie éternelle ici pour les Juifs, c'est pas le ciel. Mettez-vous ça dans la tête, c'est pas le ciel. Les Juifs ne pensaient pas comme ça. La vie éternelle, pour ce grand homme-là ici, c'est le Messie qui vient et qui établit le royaume de Dieu sur la terre, puis lui, il reste là avec. C'est pas le ciel à quelque part. C'est là, maintenant, quand le Messie arrive. C'est le royaume de Dieu qui s'établit. Et lui, il rentre dans une résurrection, puis il rentre dans le royaume de Dieu comme ça. C'est pas ce que nous, on pense. Il n'a pas demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie, d'aller au ciel, mais que je meurs. C'est pas ça qu'il parle. Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu? Ici, mais que le Messie vienne. C'est ça qu'il pense. C'est comme ça que les Juifs pensaient dans ce temps-là. Jésus lui dit, à cause qu'il a dit quoi? Jésus lui répond, ici, faites attention. Jésus lui répond parce qu'il a posé la question. Quelle question a-t-il posé? Que dois-je faire? Il n'a pas demandé d'autre chose. Fait que Jésus va répondre à la question qu'il a posée. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une bonne chose à se rappeler quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui nous demande qu'est-ce qu'il doit faire pour aller au ciel. C'est intéressant. Quand il nous demande, que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans l'Ancien Testament? C'est ça que ça veut dire. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus répondit quoi? Tu as bien répondu, c'est correct, c'est parfait ton affaire. Selon la question que tu as posée. Tu as bien répondu. Va mon chum, va par la vie. Fais cela et tu vivras. Vas-y. C'est ça, si tu veux te justifier, fais ça. Fais ça. Même chose que jeune homme riche, hein? Même chose que jeune homme riche. Qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Il dit, non. Jésus dit, va, j'ai tout fait ça. Toute ma vie, j'ai fait ça. Voyez-vous? Il fait la même erreur que cette heure parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir la vie éternelle. Jésus leur dit, tu veux faire de quoi pour l'avoir? Mais en pratique, la loi, mon chum. Et tu vas vivre. Et lui, qu'est-ce qu'il dit au verset 29? Mais lui, voulant se justifier, il a pris la partie la plus facile de ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, comment je dois faire pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Il dit, ça paraît pas. C'est quand je peux aimer Dieu, ça, les gens ne vont pas le voir. Mais si j'aime mon prochain, les gens vont me taper dans le dos. Il est-tu bon, ce gars-là? Il est-tu gentil, ce gars-là? Parce que ça paraît, là, je fais du bien à mon prochain, là. Ça paraît donc, ça. Je fais partie du groupe d'entraide de la ville de Mont-Tremblant. C'est ça, moi, je suis quelqu'un, moi, là. C'est pas mal de faire ça. Pas mal. C'est mal juste si on veut se justifier avec. Ça devient. Savez-vous, même ces bonnes actions-là deviennent mauvaises et péchées quand c'est pour se justifier. Tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Tout est impur pour ceux qui sont impurs. Il n'y a rien de pur pour les inconvertis. Parce qu'ils ont un cœur souillé. Ils ne le font pas pour la gloire de Dieu uniquement. Ils le font ça pour toutes sortes d'autres raisons. Et lui, il dit plutôt verset, c'est qui mon prochain? Fait que là, Jésus compte l'histoire du bon samaritain qu'on connaît tous. Hein? Jésus répète la parole, il dit, homme qui descendait à Jérusalem, à Jéricho, on descend toujours. Jérusalem, ça descend. Des milliers de pieds de dénivellation. On descend vers Jéricho, qui est la place la plus basse du globe. Plus basse du globe par rapport au niveau de la mer. Et il dit à l'homme, il tomba au milieu des brigands. Et ils le dépouillèrent, chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et le banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il dit, puis il le mit sur sa propre monture, le conduit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et pensez-vous qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Une grimace. Jésus venait de lui dire d'aller aider les Samaritains qu'il détestait à mort. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas, ils ne passaient même pas sur le même terrain. Jésus a pris l'exemple. Il dit, toi, tu penses que tu es bon parce que tu aimes ta femme? va aimer ton ennemi. Là, tu commences, on commencera à se parler avec toi. Une fois, il y avait une femme qui avait dit, moi, j'aime mon prochain. J'ai toujours aimé mon prochain. Un homme dit, qu'est-ce que vous feriez si un homme passe chez vous puis viole votre fille puis la tue après? Est-ce que vous êtes capable de lui faire du bien après? Elle dit, jamais je la vois en prison, je le tue. Voyez-vous? Voilà, c'est là. C'est là. C'est là. Ça, c'est la différence entre aimer son prochain à la façon de Jésus et aimer son prochain à la façon des hommes. Nous, on aime ceux qui nous aiment pour notre misère. On a encore de la misère. Mais Jésus, il dit, si tu veux gagner la vie éternelle en faisant du bien à ton prochain, il va falloir que tu fasses du bien à tout le monde. Ton prochain, c'est ton ennemi aussi. Mais il devrait avoir réalisé, il devrait dire, « Seigneur, je ne suis pas capable! » C'est ça qu'il voulait que Jésus dise. Jésus voulait qu'il dise, « Je ne suis pas capable de faire ça, Seigneur, j'arrive pas à le faire! » Jésus dit, « Ah ben voilà, je suis là. Demande-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu aies la vie éternelle? » Et là, je vais te le dire. Mais si tu me demandes quoi faire, toi, pour avoir la vie éternelle, allez, fais ce que la loi dit. Mais tu n'es pas capable de le faire, pauvre gars. Détourne-toi de tes propres yeux, détourne-toi de ta propre intelligence et sagesse, et tourne-toi vers moi comme un enfant, et dis-moi, Seigneur, sauve-moi, fais quelque chose pour moi, je suis incapable. Il ne veut pas le dire. Il va faire comme le jeune riche, il va se virer le bord, il va s'en aller. Puis dans le verset qu'on va voir tout à l'heure, il va se mettre avec la gang de docteurs de la loi, on va dire, on va le tuer, ce gars-là. On va faire mourir ce gars-là. Et vous? C'est pas un bon gars, là. C'est pas l'histoire du bon samaritain ici. C'est l'histoire du docteur de la loi qui est un homme qui se confie dans sa sagesse et dans son intelligence pour être sauvé. Il veut être sauvé par ses propres œuvres. Et Jésus dit, tu ne pourras pas l'être. Et là, on a, juste après, oh, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai encore deux minutes. Verset 38. Comme Jésus, lui, était en chemin avec ses disciples, il entend dans le village une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie, c'est l'enfant. C'est l'enfant, Marie. Jésus passe, puis il ne passe pas souvent en ville. Il passe, puis il est là. On mangera plus tard. On mangera plus tard. On va faire venir de la pizza. C'est faux. Mais Jésus est là, Marc. Jésus est là. Il ne passe pas souvent. Il faut faire le quoi? Fait que Marc, elle fait la bonne chose. Marc, elle a une bonne intention, Marc. Une bonne intention, elle veut faire manger Jésus. Mais il dit, Marc, fais ce que le docteur de la loi avait dit un peu plus haut. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Marthe, c'est ce qu'elle fait. Elle s'assit au pied du maître, au pied de Dieu, au pied de Jésus. Marie, excusez, elle s'assit là, elle dit, parle-moi. Elle est comme un petit oiseau, le bec ouvert, elle dit, enseigne-moi pendant que tu passes. Je sais que tu vas t'en aller sur le ballon. Moi, personnellement, je crois que c'est la même Marie qui va mettre du parfum parce qu'elle sait que Jésus va mourir. C'est elle qui va mettre du parfum sur Jésus pour sa sépulture. Elle sait qu'il va mourir. Elle dit, il n'y en a pas pour longtemps avec moi. Et si il dit, t'asseoir, je t'ai assis au côté de lui, puis parle, Seigneur. Parle. J'ai rien d'autre à faire. Mais ça de côté, parce que tu ne seras pas là longtemps. Je sais que tu vas mourir dans quelques jours. Parce qu'il semble bien que Marie savait qu'elle allait mourir. Parce que Jésus a dit, elle m'a embaumé ma sépulture. Elle semblait savoir des choses. Vous savez, c'est ce que Jésus fait dire ici. Ceux qui sont sages et intelligents à leurs propres yeux, qui veulent découvrir comment la vie a commencé sur la terre, puis ils veulent découvrir comment l'homme pense, puis ils veulent découvrir, puis ils veulent mettre Dieu dans la poubelle, on n'a pas besoin de ça, on va passer par une autre affaire. Dieu dit, cette valeur... Valeur. Mais il dit, les enfants qui s'humilient et qui disent, Seigneur, je ne suis pas capable, aide-moi, donne-moi la grâce de comprendre ce qui se passe. Dis-moi tout, Seigneur, j'ai besoin d'être instruit par toi, Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé par toi. C'est ça qu'il dit, heureux les simples d'esprit. Le mot le simple, ce n'est pas les creux, là, c'est le simple. Le mot, c'est les mendiants spirituels. Dans le grec, c'est le mot mendiants spirituels, qui veulent mendier à Dieu. Donne-moi, j'ai besoin. Spirituellement, je suis vide, je n'ai pas une scène dans mes poches. Jésus dit, je vais te donner le royaume de Dieu à cause que tu penses à moi. À cause que tu penses que tu n'es pas capable de le payer, moi, je vais te le donner. Je vais te le donner. Mais si tu essaies de le payer, tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Donc, quand on va vers le monde pour annoncer le royaume de Dieu, il faut se souvenir de ça. Je me souviens, quand j'ai commencé à faire l'évangélisation, il y a un vieux pasteur qui m'avait dit, François, chaque fois que tu vas ouvrir la bouche pour parler du Seigneur, tu dois croire qu'un miracle doit se passer pour qu'ils comprennent. Tu dois croire que tu n'as aucun pouvoir pour changer les cœurs. C'est Dieu doit changer les cœurs. Dieu doit intervenir et faire un miracle pour que personne ne comprenne tout d'un coup. Les yeux ouvrent tout d'un coup. Sans ça, il ne se passera jamais rien. Peu importe la méthode que tu vas prendre, peu importe l'approche que tu vas prendre, peu importe toute l'énergie que tu vas y mettre, il y a un miracle qui doit se produire et tu ne peux pas produire le miracle. C'est vrai, hein? C'est bien vrai, hein? C'est ce que Jésus parle ici. Nous allons annoncer le royaume de Dieu. Cette semaine, ça va être notre tâche à chacun de nous. On est là pour ça. On est là pour annoncer le royaume de Dieu. On est là pour aller de l'avant et d'emmener les gens à vouloir se soumettre à Dieu et devenir faire part du royaume. Nous allons ensemble prier, s'il vous plaît bien. Notre Père du ciel, en s'arrêtant pendant quelques minutes, on se réjouit par la puissance du Saint-Esprit. On se réjouit pendant ces quelques moments où ce que nous faisons silence, hein, on se réjouit que notre nom est écrit dans le ciel. Rien sur la terre, rien dans le ciel, rien sous la terre peut changer ça. Jamais. Jamais. Quand le nom de quelqu'un est écrit, il est écrit pour toujours. Merci Seigneur que tu nous as révélé. Tu nous as révélé des choses. C'est vrai que tu as utilisé des êtres humains pour nous le révéler, mais tu as utilisé, c'est toi qui nous as révélé. Merci de nous avoir révélé le Fils. Et merci Seigneur Jésus de nous avoir révélé le Père. Et Seigneur, nous voulons aller par le monde et annoncer le bon royaume de Dieu. Autrement que ton Esprit Saint puisse nous aider à le faire, afin qu'on puisse te glorifier en tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen.